L'actualité à Nancy et ailleurs. Ce jeudi 8 février, les centres AFPA du Grand Est vous ouvrent leurs portes. 21 centres en tout. Coralie Simonet, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de communication pour l'AFPA ? Oui, tout à fait. Alors, première question, tout simplement, cette journée, à qui elle s'adresse ? Alors, elle s'adresse à tous et à toutes, demandeurs d'emploi et salariés, qui souhaitent venir découvrir toutes les solutions emploi-formation dans les secteurs et les métiers qu'ils recrutent. Nous, on a des formations diplômantes, on a des offres d'emploi en alternance également, on prépare aussi à l'emploi, donc avec des préparations opérationnelles à l'emploi, mais aussi des remises à niveau et des consolidations de projets. Donc il y aura différentes opportunités ce jeudi si on vient à ces portes ouvertes ? Oui, tout à fait. On va avoir des places disponibles dans les formations qualifiantes qui mènent à un titre professionnel. On va avoir des offres donc de formation en alternance avec derrière des entreprises. Et à la fin de ces formations d'alternance, souvent un CDD, voire un CDI. Et puis, on a aussi en ce moment des offres avec des OPCA, constructifs ou AGFOS, sur des préparations opérationnelles à l'emploi. Donc, c'est des formations courtes de 3 mois pour être rapidement opérationnelles sur des métiers porteurs dans le bâtiment ou encore dans le tertiaire. Voilà, donc il y a encore des places disponibles pour ce type de formation. Ah oui, il y a plus de 200 places proposées, on a plus de 2000 places en formation diplômante, on a plus de 50 offres d'emploi en alternance, donc il y a vraiment de la place et j'encourage toutes et toutes à venir découvrir ces offres de formation. Pour le Grand Est, c'est 21 centres, plus proche de nous donc pour la Meurthe-et-Moselle. Ce sont donc ceux de Laxou et Pompey qui ouvriront leurs portes ce jeudi à partir de 9h. Il y a des secteurs d'activité plus spécifiques aux différents centres ? À Laxou, c'est plus bâtiment et tertiaire, et sur Pompey, c'est plus informatique et électricité. Alors si on n'est pas forcément proche de ces secteurs d'activité qu'on cherche une formation, on peut quand même s'y rendre ce jeudi et on sera dirigé vers d'autres centres après. Ah bien sûr, oui, oui. En fait, nous, lors des journées portes ouvertes, donc tous les centres, on reflète en tout cas l'offre Grand Est, donc des 21 centres. Et après, on peut se former, si on est de l'Axou, on peut très bien aller se former à Metz ou même à Reims, et puis après revenir après 9 mois de formation, par exemple, dans sa région, et trouver de l'emploi dans sa région, sans problème. Ces portes ouvertes, comment on fait pour s'y préparer ? Il faut venir avec un CV, qu'est-ce qu'il faut particulièrement prévoir ? Le mieux, c'est de s'y préparer, de venir avec un projet, et derrière, avoir un peu réfléchi à ce qu'on voudrait faire, et à ce qu'on aimerait faire, en tout cas. Avoir un CV, oui. Et puis après, en plus, avoir un CV, c'est bien, puisque nous, on a aussi des conseillers qui peuvent également orienter sur des améliorations de CV, etc. Donc, c'est très, très bien d'apporter son CV lors de ces journées portes ouvertes. Ce n'est pas une obligation, mais c'est un plus. Portes ouvertes pour la Meurthe-et-Moselle, en tout cas, c'est à l'AFPA Nancy-Laxou, 75 boulevard Foch. Et pour Pompey, c'est donc Zach devant la dame à Frouard. Est-ce que vous souhaitez ajouter un dernier mot ? Alors oui, là on fait des journées portes ouvertes ce jeudi 8 février. Mais il faut savoir que tous nos centres sont ouverts tous les jeudis au public et à celles et ceux qui veulent se renseigner en fait, tout simplement, et avoir des informations sur nos formations. Donc en fait, tous les jeudis à 9h, nos centres sont ouverts pour des réunions d'information. Et donc, en fait, c'est un conseiller qui anime ces réunions d'information, qui présente l'AFPA, les formations, les places disponibles, les possibilités de financement. Il y a 7 journées portes ouvertes, mais il faut savoir que tous les jeudis, c'est possible d'aller se renseigner dans tous les centres AFPA du Grand Est. Voilà, donc si on n'est pas disponible ce jeudi 8 février, on sera disponible le jeudi de la semaine d'après. Merci beaucoup. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.